Bonjour à tous. Aujourd'hui, la foutille aux poires pour 4 personnes. 4 poires passent 5 grammes, 80 grammes de beurre. Pour le sirop à 50 degrés, 125 grammes de sucre, 1 demi-litre d'eau vanillée. L'appareil à clafoutis, 1 demi-litre de lait entier, 80 grammes de sucre, 30 grammes de farine, 4 œufs et du zeste de citron. Épluchez, coupez en deux les poires, les évider et les pocher dans le sirop. Les garder fermes. Les laisser refroidir dans ce sirop, bien les égoutter. Les poêler à feu vif avec un peu de beurre. Les ranger dans un plat à gratin beurré et préparer l'appareil à clafoutis. Faire blanchir œufs, sucre, farine, lait, plus zeste haché. Verser sur les poires. Cuisson à four doux, 160 degrés, 3-5 minutes environ. Et servir tiède. Un petit vin conseillé, un muscadet de Frontignan à boire avec modération.